بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 104 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان du Cheikh Salih, du Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله avec les commentaires du Cheikh Salih Al-Fawzan حفظه الله تعالى. Au dernier cours, on a expliqué différents points à propos de la différence entre al-haqiqatul kawniya wa al-haqiqatul shar'iyya, la réalité par rapport à la création et la prédestination, et la réalité par rapport à la révélation divine et les ordres de la sharia. Maintenant, le cheikh, il explique quelques points, il va détailler sur certains de ces points-là. Et il dit par exemple ici, وَكَمَا أَنَّ لَفْذَ الشَّرِيعَ يَتَكَلَّمُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّرْعِ الْمُنَزَّلِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ فَإِنَّ هَذَا الشَّرْعَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ الْخُرُوجُ عَنْهُ وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ إِلَّا كَافِرٌ وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم والحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ. Donc ici le cheikh il explique que le terme sharia, beaucoup de gens ont parlé à propos de ce terme, et il y en a parmi les gens qui mentionnent la sharia ou qui parlent de la sharia, ils ne distinguent pas entre le jugement qui est révélé qui vient d'Allah et avec lequel il a envoyé ses messagers, hein? Et ça c'est la révélation que personne parmi les créatures n'a le droit d'en sortir. Personne parmi les créatures n'a le droit de sortir de cette sharia. Et celui qui en sort c'est le kafir, c'est le non croyant. Tandis que lorsqu'on dit le terme sharia, parfois aussi, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier le jugement d'un juge ou la fatwa d'un mufti. Hein, ou l'opinion d'un cheikh ou d'un alim parmi les ulama. Et parfois, le mufti ou le alim ou le juge ou le dirigeant, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et donc, ça, ce n'est pas la même chose. Et quand on utilise le terme sharia, eh bien, ça peut avoir le premier sens comme ça peut avoir le deuxième. Dans le sens qu'on peut utiliser sharia pour désigner le Coran et la sunna et qu'est-ce qui est révélé de la part d'Allah. Puis on peut utiliser le terme sharia pour désigner ce que le juge ou ce que le mufti a donné comme jugement ou comme verdict ou comme fatwa, dans lequel il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Donc les deux, ce n'est pas la même chose. Les deux n'ont pas la même signification. Mais certaines personnes, quand ils utilisent le terme sharia, ils l'utilisent pour désigner les deux, hein, et ils mélangent les deux. Et c'est ça qui est incorrect. Donc, il explique ici, Cheikh Al-Fawzan, ce sujet-là, et c'est vraiment très intéressant et très important à comprendre aussi. Donc, il dit, كَمَا أَنَّهُمْ أَخْطَأُوا فِي قَضِيَةِ الْعَقْلِ وَالذَّوْقِ وَالْوَجْدِ اتَّخَذُوا مِقْيَاسًا وَذَلِكَ مِنَ النَّاسِ كَذَلِكَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِالشَّرْعِ لَكِنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الشَّرْعِ الْمُنَزَّلِ وَالشَّرْعِ الْمُبَدَّلِ وَالشَّرْعِ الْمُؤَوَّلِ. Donc ça c'est important. Parmi les gens, que ce soit parmi les musulmans ou parmi les kuffars, tu trouves des gens qui ont des erreurs dans ça. Donc le cheikh il dit que parmi les soufis, par exemple, certains on a mentionné qu'ils ont des erreurs en ce qui concerne la question qui a rapport avec la raison, la logique. Hein? Et ils prennent leur jugement ou ce qu'ils pensent comme étant logique. Et ils le mettent au-dessus de la révélation. Certains, ils se basent pour déterminer qu'est-ce qui est correct dans la religion sur leur goût, sur leurs sensations, sur leurs expériences. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ils vont faire des expériences ou des actes ou des gestes ou des choses qui ont rapport avec qu'ils attribuent à l'islam. Ils font des choses, puis ils disent, s'ils ont une bonne sensation lorsqu'ils le font, ils disent, ah ben ça c'est bien. Donc on va le faire rentrer dans la religion, on va l'inclure dans la charia, on va l'inclure dans la pratique religieuse. C'est comme ça qu'ils introduisent dans la religion des innovations, des bid'ah. en se basant sur leur goût, sur leurs sensations, sur leurs expériences. Et ils appellent ça al-dhawq wal-wajd. Et ils ont pris ces choses-là comme des références dans la religion, comme des repères. Hein? Et également, parmi les gens, en ce qui concerne la révélation et la sharia, il y en a parmi eux qui ne distinguent pas entre al-shar' al-munazzal, wa al-shar' al-mubaddal, wa al-shar' al-mu'awwal. Hein? Wa ma yufarriqu bayna hadha. Donc, le cheikh, il dit, il y en a qui ne distinguent pas entre al-shar' al-munazzal, c'est-à-dire celle qui est révélée, al-shar' al-mubaddal, c'est-à-dire celle qui a été falsifiée ou changée, ou al-shar' al-mu'awwal, c'est-à-dire celle qui est basée sur une interprétation. Et, yani, une ijtihad, qu'est-ce qui peut être correct ou non. Et il explique, chaque terme, il donne une définition. Donc, il dit, al-shar' al-munazzal, huwa ma anzalahu Allah, subhanahu wa ta'ala, bima'nahu. وحقيقته وبمعناه وحقيقته ومدلولاته والشرع المبدل هو الذي يكون من افتراءات الباطنية والإسماعيلية وأهل الضلال وأهل الضلال وهذا شرع مبدل وإنما هو شرع من عندهم هم والشرع المؤول وهو الذي يدخله الاجتهاد ومنه ما هو خطأ الاجتهاد يخطئ ويصيب وهذا شرع مؤول فما أصاب الحق من الاجتهادات يؤخذ به وما أخطأ فإنه يترك. Donc il dit, le cheikh, que par exemple, الشرع المنزل, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui a été révélé de la part d'Allah. Donc c'est le Coran et c'est la Sunna. Donc ça c'est la vérité. C'est quand on désigne la charia, on peut vouloir dire ce sens-là. Le sens de la révélation et de qu'est-ce qui vient d'Allah. Et dans ce sens-là, la vérité, la charia c'est la vérité. Personne n'a le droit de renier quoi que ce soit de la charia. Parce que c'est la révélation d'Allah. Et c'est ce qui vient d'Allah et de son messager. Donc, ça ne peut être que la vérité dans ce sens-là. Al-shar' al-mubaddal, c'est qu'est-ce qui fait partie des déformations et des inventions des gens de l'égarement. Comme par exemple les Ismaïliya ou les autres sectes de Batiniya ou d'autres groupes parmi les groupes d'égarement. Ils inventent des choses, ils attribuent ça à la religion, puis ils disent ça c'est la charia. Donc ça c'est shar al-mubaddal. On dit c'est qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été falsifié. Ça fait pas partie de l'islam pour de vrai. Hein? Et shar al-mu'awwal c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est basé sur l'ijtihad. C'est-à-dire qu'est-ce que un savant a décrété ou a émis comme fatwa ou comme jugement dans la religion en se basant sur son opinion et en se basant sur les principes de déduction de la charia pour essayer d'arriver à la vérité ou de trouver la vérité. Et le mujtahid, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et on appelle ça donc, on peut l'appeler ash-shar' al-mu'awwal, c'est-à-dire celle qui a été basée sur l'interprétation. Basée sur l'interprétation ou sur l'effort d'ijtihad. Et donc, l'ijtihad qui est en accord avec la vérité, on va l'accepter, on va le prendre. Et l'ijtihad qui est erroné ou qui est incorrect, eh bien, on va le délaisser. On va le laisser, on ne va pas le prendre. Et ça, c'est important de le comprendre et de distinguer entre ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, à cause de ça, ils vont introduire dans l'islam des choses qui n'en font pas partie. Et ça, on le voit souvent dans l'attitude de certains, parmi les koufars ou parmi les laïcs, ou parmi les gens de l'égarement, de façon générale, ils vont considérer ou ils vont calculer comme faisant partie de l'islam tout ce que pratiquent les musulmans, c'est-à-dire de n'importe quelle tendance, de n'importe quelle secte, de n'importe quel groupe, de n'importe quel endroit. Tout ce que les musulmans font, peu importe si c'est en accord avec ce que Allah a révélé son messager ou non, ils le rentrent dans l'islam et ils le considèrent comme étant islamique. Et donc, par exemple, s'ils vont aller dans un pays, ils vont trouver que des musulmans font des choses qui font partie de leur culture et que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais du moment qu'ils le font, ils vont dire « Ah, ça, c'est l'islam. Hein? » Et ils vont aller en Asie, ils vont trouver des choses, ils vont dire ça c'est l'islam. Ils vont aller en Afrique, ils vont trouver des choses, ils vont dire ça c'est l'islam. Ils vont aller au Moyen-Orient ou n'importe quel autre pays, ils vont dire ah, ça c'est l'islam. Et pour eux, tout ce qui est pratiqué par des gens qui se disent je suis musulman, ça veut dire c'est l'islam. Hein? Et donc ça, c'est une injustice envers l'islam parce que l'islam, c'est pas qu'est-ce que n'importe qui fait et qu'il prétend que c'est l'islam. Non, l'islam, c'est qu'est-ce qui est supporté par le Coran et par la Sunna, qu'est-ce qui vient dans la révélation. Ou bien ils vont aller, par exemple, dans un endroit, ils vont dire, ah, tel savant ou tel mufti, il a fait tel ijtihad et il a fait telle fatwa et il a dit telle chose. Même si sa fatwa est erronée, ils vont dire, ça, c'est l'islam. Alors que, en principe, cette chose-là ne fait pas partie de l'islam puisque sa fatwa ou son jugement, il est en contradiction avec qu'est-ce que Allah a révélé. Et c'est ça qui est arrivé avec qu'est-ce que les Juifs et les chrétiens ont fait à la base, si tu regardes bien comme il faut, comment les Juifs et les chrétiens ont dévié dans leur religion, c'est parce que ils ont pris comme religion Ash-Shar' al-Mubaddal et Ash-Shar' al-Mu'awwal et ils en ont fait Ash-Shar' al-Munazzal. C'est comme s'ils ont pris les choses qu'ils ont changées de la religion, ils en ont fait la religion. Et les choses qui est basées sur les jugements de leur rabbin ou de leur moine ou de leur prêtre ou de leur pape, ils ont pris ça, ils ont fait de ça la religion révélée. Et c'est comme ça qu'ils ont déformé complètement la réalité de qu'est-ce que les messagers et les prophètes à la base ont révélé et ont amené de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, la religion d'Allah, elle est innocente hein, de ces choses-là. Et ensuite, le cheikh, il explique un peu plus, il dit, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit donc que Ash-Shar' al-Munazzal, c'est ce avec quoi Allah a envoyé son messager. Et cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, « Hada huwa Ash-Shar' al-Munazzal alladhi alayhi al-anbiya wal-mursaloun wa ibadullahi s-salihoun wa hada Ash-Shar' al-Munazzal. » Donc, c'est ça la législation et la révélation qui est descendu de la part d'Allah et que Allah a révélé à ses messagers et à ses prophètes hein, et à ses serviteurs pieux. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle Ash-Shar' al-Munazzal. Après, il dit, فَإِنَّ هَذَا الشَّرْعَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ الْخُرُوجَ عَنْهُ لِأَنَّ وَلَا يَخْرُوجَ عَنْهُ إِلَّا كَافِرٌ. Donc ça, personne n'a le droit d'en sortir parmi les créatures et quiconque en sort, il est kafir. C'est-à-dire, si quelqu'un rejette la révélation qui vient d'Allah et qu'est-ce qui a été révélé dans la révélation, eh bien, il sort de la foi, il n'est plus croyant. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, laysa li ahadin an yakhruja min ash-shar' al-munazzal. La yakhruju anhu illa kafir li'annahu kharaja an amri Allah mithlu Iblis. Hein? Kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbihi. Qala ما منعك أن تسجد أن تسجد إذا أمرتك فدل على أن الواجب على العبد أن يمتثل الأمر فإن عصى الأمر صار فاسقا. Donc le cheikh il dit personne n'a le droit de sortir de qu'est-ce qui a été révélé dans la révélation et dans la législation divine qui est descendue d'Allah et que celui qui en sort il est kafir parce que il est sorti du commandement d'Allah. Comme Iblis. Iblis, il est sorti du commandement d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 50, dans Sourate Al-Kahf, Kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbihi. Donc, il faisait partie des djinns et il s'est opposé ouvertement au commandement de son Seigneur. Et dans le verset 12, dans Sourate Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein? Ma mana'aka. Allah il lui a posé la question à Iblis. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je te l'ai commandé? Hein? Ça, c'est la preuve que l'obligation pour le serviteur, c'est de mettre en application le commandement d'Allah. Et lorsqu'il désobéit au commandement d'Allah, il devient fasiq. C'est-à-dire lorsqu'il désobéit ouvertement au commandement d'Allah, il devient fasiq. C'est-à-dire il devient un pécheur, un pervers, un désobéissant. Et ensuite, le cheikh, il dit, وَبَيْنَ الشَّرْعِ الَّذِي هُوَ حُكْمُ الْحَاكِمِ فَالْحَاكِمُ تَارَةً يُصِيبُ وَتَارَةً يُخْطِي. Donc, il dit, et il distingue pas entre ça, qu'est-ce qui est révélé, et la révélation ou la législation, qui est le jugement du juge. Parfois, le juge, ou le savant ou le dirigeant, il peut avoir raison comme il peut se tromper. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, هذا هو الشرع المؤول. الشرع المؤول يدخل فيه حكم الحاكم يعني القاضي وقد يصيب الحق وقد يخطئ لكنه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر على اجتهاده لأنه يريد الحق فهذا هو الشرع المؤول وليس من شأنه الصواب قد يخطئ وسيأتي أن القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به والقاضيان اللذان في النار الأول الذي عرف الحق وقضى بخلافه وهو في النار فهو في النار والثاني الذي لم يعرف الحق لا يعرف الحق يعني جاهل وحكم بجهل فأخطأ وجمع بين الجهل والخطأ هذا في النار لأنه ليس للجاهل أن يحكم ولا أن يجتهد وهو جاهل فإذا فعل فهو في النار لأنه ليس عنده مؤهلات للاجتهاد الشيخ الذي الشرع المؤول سي qu'est-ce qui interprète qu'est-ce qui rentre dans l'interprétation d'un juge. Par exemple, lorsque un musulman il va à un tribunal dans un pays musulman, dans un pays où on juge selon le Coran et la Sunna, par exemple, le musulman il va aller dans le tribunal pour un problème quelconque ou pour une cause quelconque. Et il présente son cas au juge. Le juge, il va juger, peut-être qu'il va juger, il va avoir raison, peut-être qu'il va se tromper. Parce qu'il n'est pas un prophète. Hein? Il n'a pas une révélation divine, il ne connaît pas le raïb. Donc, il va juger selon les arguments et les preuves qui lui sont présentées. Et selon ce qu'il comprend, selon sa compréhension. Donc, ça se peut qu'il réussisse à trouver le jugement qui est en accord avec la vérité. Et ça se peut qu'il n'y arrive pas. S'il y arrive, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le juge fait un jugement, et qu'il fait un effort pour arriver à la vérité, et qu'il a la bonne réponse ou le bon jugement, il a deux récompenses. Et s'il juge et qu'il fait l'effort, mais qu'il se trompe, il aura une seule récompense au lieu de deux. Donc il sera récompensé pour l'effort qu'il a fait, parce qu'il voulait la vérité. Et ça, on l'appelle al-shara al-mu'awwal. Al-shara al-mu'awwal, hein, parce que qu'est-ce qui est révélé 100%, c'est pas 100% qu'est-ce qui est révélé, c'est basé une partie sur le jugement et l'effort du mujtahid. D'accord? Donc, par conséquent, il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Et on ne va pas attribuer à la charia tout ce que les juges ont déterminé ou ont jugé dans leurs opinions ou dans leurs jugements. Parce que si c'est en accord avec la vérité, on va dire oui, ça c'est correct. Mais si c'est en contradiction avec ce que Allah a révélé, alors on le rejette. Même si la personne qui a fait ce jugement-là, c'est le plus grand savant sur terre. Hein? Et le cheikh, il dit, وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الصَّوَابِ. Donc, il dit, il y a trois sortes de juges. Hein? On va l'expliquer bientôt, le cheikh Ibn Taymiyyah va le mentionner. Il y a trois types de juges. Il y en a un qui est dans le paradis et les deux autres sont dans l'enfer. Donc, il y a trois types de juges. Le premier est dans le paradis. Les deux autres sont en enfer. Le juge qui est au paradis, c'est celui qui a connu la vérité. C'est-à-dire, il sait la vérité et il juge selon la vérité. Donc, lui, il est au paradis. Et les deux autres juges, c'est celui qui connaît la vérité, mais qui juge selon ce qui contredit la vérité. Donc, lui, il est en enfer. Parce qu'il connaît la vérité, mais il juge selon le faux. Et le deuxième juge en enfer, c'est celui qui ne connaît pas la vérité. Donc, il juge par ignorance. Hein? Puisqu'il ne connaît pas la vérité, il juge par son ignorance. Et donc, il commet l'erreur. Hein? Et par conséquent, il tombe dans l'erreur et on sait qu'il a réuni deux choses. L'ignorance et l'erreur. Donc, il sera lui aussi en enfer comme le premier. Et Ça veut dire que le juge, s'il est ignorant, il n'a pas le droit de juger. S'il ne connaît pas, il ne doit pas juger. Il n'a pas non plus le droit de faire l'ijtihad, alors qu'il est ignorant. Et s'il le fait, alors il est dans l'enfer. Hein? S'il juge par ignorance, il est dans l'enfer, parce qu'il n'a pas les aptitudes et les outils nécessaires pour être capable de le faire. Ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit « Wahada idha kana aliman adilan »« Wahada idha kana aliman adilan » C'est-à-dire que le juge, quand on dit que parfois il peut avoir raison, et parfois il peut avoir tort, ça c'est lorsqu'on parle du juge qui est mujtahid, ou du savant qui est mujtahid, et qui fait un ijtihad, un effort pour arriver à la vérité, alors qu'il est savant et qu'il est juste. Parce que ça se peut qu'il ne soit pas savant et ça se peut qu'il ne soit pas juste, ou ça se peut qu'il soit ni savant ni juste. Ça, c'est le pire. Hein? Ensuite, le cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là, le fait qu'il doit être savant, il doit être juge. Il dit, « Idha kana aliman adilan, yusibu wa yukhti. Amma idha kana jahilan, fa'innahu la yajuzu lahu an yahkum. Wa kadhalika idha kana aliman bil haqq, la yajuzu an yatrukahu. » Hein? ويحكم بالهوى وبغير الحق بل يجب أن يحكم بما أنزل الله hein? يجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله لا يجوز له أن يتركه hein? Il dit, il cite un verset, le verset 105 dans sourate An-Nisa, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ هذا هو الواجب هذا هو الواجب على العالم وعلى القاضي بالذات ألا أن لا يحكم بهواه وإنما يحكم بما أنزل الله وإذا كان عالما واجتهد وأخطأ فهو معذور وإن أصاب فله أجران أما إذا كان جاهلا فليس له من الأصل أن يدخل في هذا الشيء فإن دخل فهو في النار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فإن دخل فهو في النار لأنه حكم بغير علم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc dans le verset par rapport dans le Coran, le verset 105 dans sourate An-Nisa, nous t'avons révélé ou nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité, pour que tu juges entre les hommes selon ce que Allah t'a montré. Et il dit, ça c'est yani, la preuve que c'est obligatoire, hein, c'est obligatoire pour le savant de juger selon ce que Allah a révélé, en particulier pour le juge. Il n'a pas le droit de juger selon ses passions et ses désirs. Il doit uniquement juger selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. La même chose pour... C'est-à-dire, on inclut dans ça également le fait de juger selon des lois contraires à la loi de l'islam. Donc, si quelqu'un, il est juge, il doit juger en accord avec ce que Allah a révélé dans le Coran, dans la Sunna. Il n'a pas le droit de juger selon autre chose. S'il juge par autre chose, il a jugé selon sa passion. Il a jugé selon sa passion. Hein? Donc, il n'a pas le droit de juger par autre chose. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'a pas le droit de juger par autre chose que par ce que Allah a révélé. Et ça, c'est le cheikh, il dit, en particulier pour le juge, celui qui est un juge dans un tribunal. Bien entendu, ça ne se limite pas uniquement à celui qui est juge au tribunal, mais c'est de façon générale. Tout musulman, lorsqu'il juge dans quoi que ce soit, il doit juger avec connaissance et il doit juger selon la révélation et la vérité. Hein? Il ne peut pas juger selon sa passion et ses désirs. Donc, il y en a qui pensent parmi les musulmans que, yani, du moment qu'il n'est pas un juge dans un tribunal, et qu'il n'a pas été appointé comme étant juge dans les affaires des gens, que dans le reste des affaires de sa vie personnelle, il a le droit de juger comme il veut, selon ce qu'il veut. Hein? Et qu'il n'est pas concerné par l'ordre d'Allah de juger selon ce que Allah a révélé. Alors que ça, c'est totalement faux. Le fait qu'on doit et qu'on ait l'obligation de juger selon ce que Allah a révélé, c'est une obligation pour chaque musulman, selon sa connaissance et selon ce qu'il sait selon la connaissance et selon la justice. Hein? Par exemple, s'il doit juger dans sa maison, par exemple, entre ses enfants, ou qu'il doit juger, par exemple, au travail, entre ses employés, ou qu'il doit juger, par exemple, à l'école, entre ses élèves, ou qu'il doit juger dans sa vie personnelle avec sa femme et dans ses questions économiques ou financières ou autres. Yani, peu importe le sujet, il doit toujours se baser sur, yani, sur la vérité et sur la révélation. Ensuite, le cheikh, il dit, s'il est savant, c'est-à-dire s'il a la connaissance et qu'il juge selon la révélation d'Allah et qu'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, alors il est excusé pour son erreur. S'il a la bonne récompense, ou s'il a la bonne réponse, pardon, le bon jugement, et qu'il atteint la vérité, alors dans ce cas-là, il aura deux récompenses. Tandis que s'il était ignorant avant de juger, hein, c'est comme si quelqu'un, par exemple, il te demande de donner ton opinion. Quelqu'un, par exemple, il t'engage dans un travail pour juger un produit. Il te demande de faire une revue, hein, une review, comme on dit. Je ne sais pas si on dit une revue. Une critique d'un produit quelconque. Puis toi, tu ne connais pas le produit du tout. Tu ne l'as pas utilisé, tu ne l'as pas testé, tu ne l'as pas essayé, tu n'as pas cherché, tu n'as pas lu les descriptions et les explications, tu n'as pas vu les tests qui ont été faits non plus, ni les études et les recherches sur le sujet. On te demande de donner ton point de vue professionnel sur ce sujet, ou sur cet objet, ou sur ce produit. Et toi, tu le sais pas et tu dis juste selon tes désirs ou selon ton opinion comme ça, sans avoir recherché, tu dis, ah, je pense que ce produit-là, il n'est pas bon. Ça, c'est pas juste. Hein? Dans ce cas-là, tu as fait une erreur, tu as jugé sans connaissance. Donc ça, c'est un exemple aussi. Et si tu es à la cour, tu es un juge au tribunal. Et il y a deux personnes qui viennent te présenter un problème. Il y en a un qui dit une chose et l'autre qui dit l'autre chose. Hein? Donc toi, tu dois être juste entre les deux et tu dois juger selon la vérité. Mais si tu connais même pas la cause ou tu connais même pas les détails de l'histoire et de la situation, tu peux pas juger. Si tu juges, soit tu connais pas la situation, donc tu vas juger de façon injuste, ou soit tu connais pas les verdicts ou les preuves qui ont rapport avec le sujet dans le Coran et dans la Sunna, donc tu vas juger avec ignorance. Hein? Tu vas juger avec ignorance parce que tu connais pas les preuves et les choses qui ont rapport avec la charia sur cette question-là. Donc, quand le cheikh dit, si tu n'es pas savant, t'as même pas le droit de rentrer dans ce sujet-là. Et il dit, si tu rentres et que tu juges avec ignorance, alors dans ce cas-là, tu fais partie des juges qui sont en enfer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que tu as jugé sans connaissance, tu as jugé sans science. Après, le cheikh, il dit, donc, hada idha kana aliman عادلا وإلا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار وأهل و وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. Hein? Ça, c'est un hadith. Masha'Allah, c'est une référence, ce hadith-là, dans le sujet. Donc, le cheikh, il dit que dans les sunan, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme on l'a mentionné tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a trois types de juges. Deux de ces types-là sont en enfer et un est au paradis. Un homme qui a jugé avec science et selon la vérité. Hein? Et il juge selon la vérité. Il connaît la vérité et il juge selon la vérité. Donc lui, il est au paradis. L'autre type de juge, c'est celui qui juge entre les gens avec ignorance. Donc lui, il est en enfer. Et l'autre type de juge, c'est celui qui connaît la vérité, mais il juge selon autre que la vérité. Alors lui, il est en enfer. Et il dit, le meilleur des juges, hein, c'est celui qui est... les meilleurs des juges sont ceux qui sont justes, et qui sont savants et qui sont justes. Ça, c'est eux les meilleurs juges. Et il dit, le meilleur des hommes, le meilleur des fils d'Adam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté à son sujet de manière authentique dans Al-Bukhari et Muslim, qu'il a dit, et écoutez bien le hadith en question, parce que ce hadith-là, il est extrêmement important, il a dit, « Innakum tahtasimuna ilayya » C'est-à-dire, vous venez vers moi pour vos conflits, vos disputes, lorsque vous avez des problèmes, hein, pour que je juge entre vous. Et peut-être que certains d'entre vous, vous allez savoir mieux comment expliquer ou hein, présenter votre argument que d'autres. Parce que ce n'est pas tout le monde qui savent bien parler ou qui savent bien s'exprimer. Il y a des gens, ils veulent dire quelque chose, mais ils n'arrivent pas à le dire correctement. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont le don de la parole, ils savent bien parler. Et même parfois, ils arrivent tellement à bien parler qu'ils arrivent à déformer même la réalité pour faire paraître le vrai comme si c'était faux ou le faux comme si c'était vrai. Donc ils disent, وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ Il dit donc, vous venez me présenter vos problèmes quand vous avez des conflits. Et peut-être que certains d'entre vous ont plus de capacité de présenter et d'argumenter son cas que d'autres. Il dit, wa innama aqdi binahwin mimma asma'. Il dit, et je vais uniquement juger entre vous selon ce que je vais entendre. Il dit, pas selon, en voulant dire, je ne vais pas juger selon la révélation entre vous deux. Je vais uniquement juger entre vous deux selon ce que j'entends des arguments que vous me présentez. Alors il dit, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذُهُ Il dit, si jamais je fais un jugement entre ces deux personnes et que je donne à un le droit de son frère, hein, c'est-à-dire que je donne raison à celui qui a tort par erreur, il dit, فَلَا يَأْخُذُهُ Alors qu'il ne le prenne pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le juge il a décrété que c'est toi qui as raison. Alors que toi, dans ton cœur, tu sais que c'est pas toi qui as raison, dans ce cas-là, ça ne te donne pas la justification de prendre ce que le juge t'a donné. Hein? Parce que le jugement du juge, c'est le jugement d'un être humain. Il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Donc, s'il te décrète, il dit, bon, ça te revient, c'est ton droit. Alors que tu sais qu'il s'est trompé et que toi, tu as tort et que le droit appartient réellement à ton frère, et alors ne le prends pas. Il dit, فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ Il dit, parce que si tu le prends, malgré que tu sais que hein, je me suis trompé ou que j'ai eu tort dans mon jugement, et qu'en réalité le droit il appartient à ton frère, et que tu le prends malgré tout, alors c'est comme si tu aurais pris un morceau du feu de l'enfer. Donc ça c'est un hadith qui est extrêmement fort. Et c'est pour ça que des gens, par exemple, qui se basent sur les jugements de la cour pour déterminer qu'ils sont sur la vérité ou qu'ils ont raison dans quelque chose, alors qu'en réalité, ils savent très bien qu'ils ont eu tort. Hein? Ils disent, moi, je suis innocent. Sur quoi tu te bases pour dire que tu es innocent? Parce que le juge, il a jugé et j'ai gagné ma cause, j'ai gagné mon procès, alors que tu sais très bien que tu es coupable. Alors, tu as pu t'enfuir, hein? Te faufiler entre peut-être tu as un bon avocat, tu t'es bien, hein, tu as bien présenté ton cas, tu as bien argumenté, tu as caché des éléments et le juge t'a donné raison. Mais au fond de ton cœur, tu sais que tu n'as pas raison. Et si on t'a donné quelque chose qui ne t'appartient pas et tu l'as pris parce que tu dis le juge, il me l'a donné, tu sais que tu as tort, tu n'as pas le droit de le prendre, malgré ça. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ces différents points-là qu'on a mentionnés par rapport aux trois types de juges. Premièrement, il dit à propos du premier, celui qui a connu la vérité et qui a jugé selon la vérité, il dit Alim al-haq wa qada bihi fa huwa fil janna li'annahu qada bi 'ilmin wa asaba al-haq. Donc celui qui a jugé selon la vérité et il a connu la vérité, il a jugé selon cette vérité-là, alors il est au paradis. Et le deuxième, rajulun laysa 'indahu 'ilm fala yajuzu an yaqdi bayna an-nas li'anna 'indahu laysa 'indahu 'ilm. La personne qui n'a pas de science, donc elle n'a pas le droit de juger entre les hommes. Et c'est pas permis pour elle de juger entre les hommes parce qu'elle n'a pas de connaissance. Et le troisième exemple, yani alladhi arafa al-haq wa qada bi khilafihi ou bi ghayrihi. Et yani huwa fi an-nar. Il est en enfer, il a connu la vérité, mais il a jugé selon le contraire de la vérité. Li'annahu ta'ammada. والعياذ بالله القضاء بالباطل وهو يعرف الحق ولكن ولكن هواه انحرف به. Donc il a volontairement et intentionnellement jugé selon le faux alors qu'il connaît la vérité. Ça c'est grave, mais il a suivi sa passion, peut-être parce qu'on lui a offert de l'argent, peut-être parce qu'on lui a donné une rishwa. Peut-être parce qu'on lui a promis un service, ou parce qu'on lui a, parce qu'il devait une faveur à quelqu'un. Il a dit, quelqu'un est venu le voir et dit, écoute, tu me dois une faveur. Si tu vois par exemple que je viens, j'ai un problème, donc tu dois juger en ma faveur, même si j'ai tort. Et là, il s'est senti obligé. Ou peut-être pour une autre raison, peut-être que quelqu'un il lui fait du chantage. Il lui fait comment on appelle, comment on dit en anglais, blackmail. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est comme si quelqu'un, ouais, c'est comme s'il sait quelque chose sur toi ou bien il te menace de te dénoncer. Par exemple, si tu as fait quelque chose pas correct, il menace de te dénoncer si tu ne juges pas en sa faveur. Mais dans des cas comme ça, tu dois dire la vérité, même aux dépens de ta réputation, aux dépens de ton honneur ou de peu importe. Tu ne dois pas, yani pour défendre yani ta réputation, accepter le faux ou juger par le faux juste pour, yani, soi-disant, pas perdre la face, comme on dit. Et par rapport au hadith de, yani, le hadith qu'on a mentionné, c'est le hadith de Salama, je crois, à propos de, yani, du jugement qu'on a mentionné, le cheikh dit, هذه مسألة عظيمة وهو أن القاضي يقضي في الظاهر على نحو ما يسمع وأما في الباطن فحكمه إلى الله سبحانه وتعالى فإذا اجتهد القاضي وحكم بناء على الظاهر وفي باطن الحكم خطأ فهذا اختلفوا فيه هل حكم الحاكم يحل له ما قضي له به أو لا يحله أو لا يحله له الصحيح أنه لا يحله له حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال في الباطن بل تعاد الخصومات يوم القيامة ويقضي الله بين الناس فمن علم من الخصوم أنه مخطئ في دعواه أو مزور في بينته فإنه يجب عليه التوبة إلى الله يجب عليه التوبة إلى الله ورد الحق إلى أهله ولا يأخذه هذا القاضي يحكم لا يعلم الغيب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب هو يقضي على نحو ما يسمع للبينة بالشهود يقضي بالشهود وربما يكون أحد الخصوم عنده بلاغة وفصاحة فيزور الحجة والآخر مسكين ليس عنده فصاحة ولا بلاغة وهو المحق ولكن ليس عنده لسان ولا قوة بيان فيتغلب عليه الفصيح البليغ والقاضي يحكم على نحو ما يسمع لأنه لا يعلم الحقائق الباطنة ما يعلمها إلا الله فلا يسوغ لمن حكم له أو لمن حكم له بظلم أن يأخذه ويقول هذا قضاء لي أو قضى لي القاضي فيه، بل عليه أن يرده، فإنما أقطع له قطعة من النار. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من القضاة؟ بعض الناس يقول إذا حكم القاضي هذا حق، وهو يعلم أنه كذاب وأنه مزور وأنه يعني يريد حكم الحاكم ويريد حكم الحاكم أن يصوغ له الشيء هذا. هذا لا يجوز. حكم الحاكم يعني لا يقلب الباطل حق، الباطل هو الباطل. Et donc le cheikh il explique, il dit donc ça c'est un sujet très très important, que c'est-à-dire que le juge lorsqu'il fait un juge en apparence, il juge uniquement selon ce qu'il entend. Hein? Mais qu'est-ce qui est caché, ça c'est son jugement, il revient à Allah. Et donc lorsque le juge va faire un effort de jugement pour atteindre la vérité et qu'il fait son verdict à la fin, il va faire son jugement, il va établir son verdict selon ce qui lui est apparu, c'est-à-dire selon les preuves qu'on lui a montrées, les arguments qu'on lui a présentés, et selon ce qu'il entend de la part des témoins et ainsi de suite. Mais dans ce qui est caché, c'est possible que le jugement soit erroné parce qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas ou qu'il ne sait pas. Le juge, il n'est pas ma'soum et il ne connaît pas le ghaib. Hein? Donc, les ulama ont divergé par rapport à la question. Est-ce que le jugement que le juge établit ou le décret qu'il donne, est-ce que ça rend halal pour la personne qui a gagné sa cause de prendre ce que le juge lui a donné? Est-ce que ça lui rend halal? Et le cheikh, il dit, l'opinion correcte à ce sujet-là, c'est que ça ne lui rend pas halal de le prendre. Pourquoi? Parce que le jugement du juge ne rend pas halal ce qui est haram, et ne rend pas haram ce qui est halal dans ce qui est, dans la réalité qui est cachée au juge. Et donc, au jour de la résurrection, tous ces procès-là vont être refaits encore une fois. C'est-à-dire que les procès qui ont été erronés dans cette vie d'ici-bas et les procès qui ont donné raison aux injustes et qui ont donné tort aux victimes ou à ceux qui étaient vraiment dans leurs droits vont être refaits encore une fois au jour de la résurrection. Et c'est à ce moment-là que la justice va être établie réellement. Hein? Donc, peut-être que pour des gens qui ne croient pas en Allah, ils réussissent à s'échapper avec des faussetés et des mensonges et des injustices dans ce bas monde. Mais au jour de la résurrection, ils ne vont pas pouvoir s'en échapper. Ils ne vont pas pouvoir profiter de ça. Allah subhanahu wa ta'ala va refaire faire ces procès-là et il va juger, il va présenter la vérité. Et donc, on va voir ce jour-là la justice réelle et véritable être établi. Et donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui ce jour-là, au jour de la résurrection, ça va être lui qui va juger entre les hommes. Ce sera pas une créature parmi les créatures. Et donc par conséquent, celui qui sait que son opposant ou celui contre qui il a eu un procès, et il sait que lui, il est dans le tort vis-à-vis de lui, hein, et que qu'est-ce qu'il a prétendu est faux ou falsifié, et que ses arguments et ses preuves sont mensongères. Il a présenté des gens pour témoigner en sa faveur, il les a payés, hein, alors que ce n'était pas vrai. Hein. Il leur a dit, écoutez, je veux vous donner de l'argent, vous dites que j'étais à telle place et que je n'étais pas à tel endroit, ou que j'ai fait telle chose ou que je n'ai pas fait telle chose. Et après, il accepte de l'argent pour ça. Donc, il va mentir sur son témoignage parce que l'autre, il lui a donné de l'argent. Donc, il a menti. Hein, il a fait un faux témoignage. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour la personne qui est dans cette situation-là? Il a pris le droit de quelqu'un alors qu'il sait qu'il est dans le tort et le juge lui a donné raison. Eh bien, le cheikh dit, il est obligatoire pour lui de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire tawbah et de rendre le droit à celui à qui il appartient. Et de ne, il n'a pas le droit de le prendre, même si le juge lui a dit. Donc, peut-être que la personne, au début, elle a menti ou elle a dit des choses fausses pour avoir raison. Puis, le juge lui a donné raison. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là? Il doit se repentir, puis il doit dire, écoute, le juge, il m'a donné raison, mais au fond de moi, je sais que j'ai menti. Et je sais que c'est toi qui es dans le vrai et que moi, je suis dans le faux. Alors, ce que le juge m'a remis, moi, je te le donne. Et je reconnais mon erreur. Donc, ce que le juge m'a donné, tiens, je te le donne. Hein? Je ne veux pas avoir ça parce que c'est mieux pour toi que tu sois puni dans cette vie d'ici-bas que tu sois puni dans l'au-delà. Parce que le châtiment dans cette vie d'ici-bas, il est rien par rapport au châtiment de l'au-delà. Donc, si tu penses que dans cette vie, tu t'es échappé d'une punition, que tu vas être correct, hein? Non, ça, c'est rien. Ça, c'est une petite punition par comparaison à qu'est-ce qui t'attend du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Donc, c'est mieux que tu acceptes le jugement, hein, que tu mérites dans ce bas monde. Et le cheikh, il dit ensuite que le juge, lui, il juge. Et il ne connaît pas, comme on a dit tout à l'heure, il ne connaît pas l'inconnu, il ne connaît pas le ghaib, il ne connaît pas l'invisible. Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit dans le hadith, il ne connaît pas le ghaib. Et il juge selon ce qu'il entend. Hein? La preuve qui est présentée et les témoins qui sont présentés également. Donc, ça, c'est une preuve qui réfute ceux qui pensent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait le ghaib. Parce que dans ce hadith-là, il dit clairement qu'il ne juge que selon ce qu'il a entendu. Hein? Et il dit peut-être qu'un une des personnes qui présente sa cause ou présente son affaire, il est éloquent, hein, et il sait bien parler. Et donc, il va être capable de falsifier sa preuve et son argument. Tandis que l'autre, c'est lui c'est lui qui a raison, mais il s'exprime mal ou il ne sait pas bien parler. Et donc, il n'arrive pas à faire valoir son droit. Hein, et il n'a pas de force, hein, d'argument ou dans la façon d'argumenter. Et donc, le juge, lui, il se base sur ce qu'il entend et puis il donne raison à celui qui lui semble être le plus plausible. Hein. Donc, il dit il ne connaît pas les réalités qui sont cachées, c'est seulement Allah qui les connaît. Et donc, par conséquent, celui pour qui le juge a jugé et qu'il a jugé en sa faveur avec injustice, il n'a pas le droit de prendre ce qui ne lui revient pas de droit, même si le juge lui a donné. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, donc, le cheikh, il dit, la personne n'a pas le droit, mais le juge, il me l'a donné, donc c'est à moi. Hein? Alors que tu sais que ce n'est pas à toi. Pourquoi tu dis, le juge te l'a donné? Hein? Et donc, il doit lui remettre. Parce que si il le prend, c'est comme s'il prend un morceau parmi une pièce ou un morceau de l'enfer, hein, du feu de l'enfer. Et donc, si ça c'est le cas du fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait été celui qui a jugé entre toi et l'autre personne, et il a dit ça à ce sujet-là, imagine que dire de quelqu'un d'autre parmi les juges, hein, qui ne sont pas des messagers et qui n'ont pas de révélation. Donc ici, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il explique que lorsqu'il juge entre deux personnes, il ne juge pas selon la révélation, il juge selon ce qu'il entend parmi les preuves et les arguments. Hein? Et c'est comme ça aussi qu'il jugeait les hommes par rapport même à qu'est-ce qu'ils savaient du rape. C'est-à-dire que même entre les personnes, il jugeait selon leur apparence. C'est-à-dire que Allah lui a révélé le nom des munafiqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait le nom des munafiqin. Il savait qui d'entre eux était munafiq et qui d'entre eux n'était pas munafiq. Il le savait parce que Allah lui a révélé. Et malgré ça, il ne jugeait pas. Il ne jugeait pas les munafiqines selon la connaissance que Allah lui a donnée du raïb, de cet élément-là. Il les jugeait uniquement selon leur apparence, alors qu'il savait que c'était des munafiqines. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ça comme une règle, pour qu'on suive ce principe-là dans la religion, on n'a pas le droit de juger par autre chose que par ce qui est apparent. Hein? Qu'est-ce qui est caché, ça appartient à Allah. Et les intentions et qu'est-ce qui est dans le cœur, ça appartient à Allah. Hein? Donc quelqu'un n'a pas le droit de dire, ah, oh, mais le juge, il m'a innocenté. Donc, ça veut dire, je ne suis pas innocent, alors que tu es coupable réellement. Hein? Surtout ici, dans ce pays. Il y a des gens, par exemple, ils font des choses qui sont haram dans l'islam. Puis, quand les juges dans ces pays, ils jugent selon la loi de Kofr, yani. Et ils déterminent que la personne n'est pas criminelle ou qu'elle n'est pas coupable. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors que dans la charia d'Allah, il est coupable. Hein? Il y a des gens comme ça. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui préfèrent se faire juger par les lois des kuffars plutôt que de retourner au jugement d'Allah. Si tu vas aller voir un alim ou un cheikh ou un juge de la charia qui tu lui demandes le verdict de la charia sur le sujet, tu sais que tu vas avoir tort et qu'il va juger contre toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'esquives du jugement d'Allah et tu dis, non, je préfère aller voir le juge. Hein, selon la loi des koufars, parce que je sais que je vais avoir raison chez eux. Et là, dans ce cas-là, ça veut dire que tu suis ta passion, hein, tu suis tes désirs. Et ça, c'est très dangereux. Et les ulama, ils ont qualifié ça de kufr dun un kufr. C'est-à-dire, c'est un kufr qui est moindre que la mécréance qui fait sortir de l'islam, mais c'est malgré tout quelque chose de très grave, très dangereux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui jugent par autre que ce que Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants, ceux-là sont les kafirun. Et dans l'autre verset, il dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et dans l'autre verset, il dit فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc si la personne, elle le fait parce qu'elle préfère la loi des kuffars sur la loi d'Allah et qu'elle pense que la loi des kuffars est supérieure à la loi d'Allah, alors ça c'est du kufr majeur. Mais si elle le fait, non pas parce qu'elle croit que la loi des koufars est supérieure ou meilleure, mais uniquement parce qu'elle veut suivre sa passion, hein, alors dans ce cas-là, ça c'est un kufr mineur, un kufr asrar, la yukhriju min al-millah. Mais c'est malgré tout quelque chose de dangereux et de grave. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, le fait que le juge ait jugé de quelque chose, et qu'il se soit trompé et qu'il ait jugé par erreur en ta faveur alors que toi tu as tort, eh bien son jugement ne rend pas vrai ce qui est faux, et son jugement ne rend pas faux ce qui est vrai, plutôt ce qui est vrai c'est la vérité, et ce qui est faux c'est le faux. Hein? Donc ça c'est très très important, hein, à comprendre. Après le cheikh il dit, وَقَدْ أَخْبَرَ, donc cheikh l'islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, فَقَدْ أَخْبَرَ سَيِّدُ الْخَلْقِ أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجوز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له أو ما قضى به له وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة إذا حكم الحاكم بما يظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجوز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له بالاتفاق. ها بالاتفاق يعني سبحان الله. Donc il dit ici, le cheikh Ibn Taymiyyah, il résume la question, il dit donc que comme le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a informé du fait que le juge, lorsqu'il juge entre deux personnes, il juge selon ce qu'il entend. C'est possible que qu'est-ce qui est réel et la chose qui est cachée soit en contradiction avec qu'est-ce qu'il a jugé. Et donc, par conséquent, celui qui a eu le jugement en sa faveur, il n'a pas le droit de prendre ce qui lui a été décrété par le juge, même si le juge lui a donné. Et s'il le prend malgré tout, il a pris un morceau du feu de l'enfer. Et ça, il dit, wa hada muttafaqun alayhi bayna al-ulama. Il dit, ça, c'est une chose sur laquelle les ulama, ils sont d'accord, hein, dans les questions des propriétés de façon absolue. Il dit donc que si le juge, il juge selon ce qu'il a pensé comme étant une preuve, et comme étant une preuve légale, ou comme étant un témoignage ou une déclaration quelconque, alors que dans ce qui est réellement caché, la réalité, c'est le contraire de ce qui est apparent, et que la personne, on lui a donné, on lui a décrété quelque chose qui ne lui revient pas réellement, il n'a pas le droit de le prendre, même si on lui a décrété cette chose-là, selon l'accord des savants. Les savants sont tous d'accord là-dessus. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, « فَلْيَحْذَرُ الْخُصُومُ أَنْ يَأْخُذُوا حُقُوقَ النَّاسِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُبْطِلُونَ وَلْيَحْذَرْ أَيْضًا الْمُحَامُونَ الَّذِينَ يُحَامُونَ عَنِ الْخُصُومِ وَيَفْتَحُونَ مَكَاتِبْ مُحَامَاةِ أَنْ يُخَاصِمُوا بِالْبَاطِلِ وَأَنْ يُزَوِّرُوا وَيُقَلِّبُوا الْحَقَائِقَ عَلَى الْقَاضِي لِيَحْذَرُوا مِنْ هَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا فلا يجوز للإنسان أن يتوكل أو يحامي في قضية يعلم أنها باطلة لا يجوز له ذلك. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, il clarifie un point qui est extrêmement important aussi par rapport à ce sujet-là. Il dit donc, les gens qui se présentent en cours quand ils ont un conflit avec quelqu'un, qu'ils fassent attention de ne pas prendre les droits des autres à cause du jugement du juge, alors qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils sont dans le faux. Et ils doivent également faire attention, également ceux qui se présentent comme étant des avocats pour aller défendre des gens, hein, dans des cas, des gens qui ouvrent des bureaux d'avocats et qui argumentent dans le faux ou qui falsifient des choses ou qui déforment les réalités pour présenter des mensonges au juge ou déformer les réalités, hein, pour tromper le juge, qu'il fasse attention à ça. C'est-à-dire que si, par exemple, tu sais que la personne que tu vas défendre, alors que toi, tu es un avocat, tu sais que la personne que tu vas défendre, elle est coupable. Et tu as vu les preuves et tu le sais, ou bien même il a avoué même qu'il est coupable. Mais il te demande de le défendre malgré tout. C'est-à-dire que tu vas déformer la réalité et que tu vas essayer de te faufiler entre les règles et les lois pour essayer de rendre la personne non coupable alors qu'elle est coupable. Hein? Et tu le sais. Donc tu n'as pas le droit de cacher la vérité. Tu n'as pas le droit de défendre quelqu'un alors que tu sais qu'il est dans le faux. Ça, ce n'est pas permis dans l'islam. Alors que pour les koufars, au contraire, c'est ça leur but. Le but, c'est de défendre des gens alors qu'ils savent qu'ils sont coupables souvent. Hein? Quand tu vois, par exemple, des gens qui vont défendre des criminels, des gens qui vivent du crime. Ce n'est pas seulement des criminels, c'est des gens qui vivent du crime et dans le crime. Et qui savent que ce sont des criminels, mais qui vont les défendre yani, parce qu'ils veulent se faire une réputation comme étant des bons avocats. L'avocat qui gagne beaucoup de procès, hein, il va avoir plus de clients et il va pouvoir demander plus d'argent pour sa défense, hein, de ses clients. Et il va avoir une réputation à cause de ça. Donc, ils prennent de ça un genre de vocation ou de métier de défendre le faux. Et c'est pas pour rien qu'on dit les meilleurs avocats sont les juifs. Hein? Parce qu'ils sont les professionnels, justement, dans la façon de se faufiler entre les lois, puis de jouer entre les lignes et de jouer avec les mots. Et donc, ça, c'est leur travail. Mais le musulman, il n'a pas le droit de faire ça. Surtout si le musulman, s'il est dans un système ou dans une société ou dans un pays où on ne juge pas selon la loi de la charia. Et les ulama, ils ont fait des fatwas sur ça. C'est-à-dire le fait de, de devenir juge ou avocat, le fait de devenir juge ou de devenir avocat dans des pays où on ne juge pas selon la charia d'Allah. Hein? Il y a des fatwas détaillées sur ce sujet et ils ont divisé l'exemple de ce type d'avocat-là en trois catégories. Hein? Donc, il a mentionné dans certains cas que dans certains cas, ça peut être permis, même parfois obligatoire. Dans certains cas, c'est un péché. Et dans d'autres cas, même, ça peut être kufr. Hein? Selon l'état de la personne et selon ce qu'est-ce qu'elle a dans le cœur et selon sa croyance. Et on en reparlera peut-être, Inch'Allah, la prochaine fois. Bi'idhnillah. Donc, le cheikh, il dit... Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, le verset 105 dans Sourate An-Nisa, Wala takul lil khasima. Ne sois pas un traître, ne sois pas un disputeur ou un défenseur des traîtres. Donc, on peut poser la question dans ce cas-là, à quoi sert un avocat dans l'islam ou dans un pays musulman dans ce cas-là, s'il ne peut pas déformer ou se faufiler entre les choses et défendre le faux. Eh bien, il sert à défendre quelqu'un qui n'est pas apte à se défendre ou quelqu'un qui ne sait pas comment argumenter de façon correcte ou de façon éloquente, hein, et qu'il a affaire à quelqu'un justement qui sait comment s'exprimer bien et s'expliquer bien. Ou quelqu'un qui ne connaît pas les règles ou les lois, donc comment il va faire pour défendre son droit si il ne sait pas parler ou s'il ne connaît pas les règlements ou les principes de la religion. Alors, le soi-disant l'avocat, il va l'aider dans ce sens-là. Mais ça, c'est dans le cas où l'avocat en question, elle pense sincèrement que la personne est dans son droit. Et qu'il veut avoir de l'aide pour arriver à obtenir ce droit-là. Hein? Ça, c'est dans ce sens-là. Mais ici, beaucoup des avocats, c'est des voleurs. La vérité, c'est ils font que vouloir manger l'argent des gens. Et juste pour avoir des fois une consultation avec un avocat, juste pour rester assis, tu vas juste lui parler de ton cas. Juste une heure, il va te charger des fois même 200 $. Des fois 150 $ selon l'avocat. Hein? Et plus l'avocat est prestigieux, plus il a une réputation, plus c'est cher. Hein? Tandis que si tu as une fatwa, tu veux poser une question à un alim ou tu as une question sur la religion, il n'y a pas un alim qui va te charger un sou pour avoir une fatwa ou pour avoir une clarification d'un verdict ou d'un jugement de la charia d'Allah. Hein? C'est gratuit parce qu'on n'a pas le droit de charger de l'argent ou de demander de l'argent pour ça. Hein? Ça c'est fait, Sabilillah. Hein? Et les prophètes, hein, alayhi salatu wa salam, ils n'ont jamais demandé un sou aux gens pour leur transmettre le message d'Allah. Mais, bien entendu, la même chose pour les ulama, quand on leur demande des choses par rapport à la charia, ils font ça gratuitement. Ici, là, non. Tu vas voir un notaire, il te fait payer à l'heure. Hein? 125 $ peut-être même pour un notaire. Un avocat, 125, 150, ou à dire, il pourrait nous dire même, encore plus. Même plus que ça, même, ouais. Il dit plus. Effectivement. Tandis que les ulama, mashallah, tabarakallah, yani, ils donnent des fatwas, ils répondent aux questions des gens, ils prennent beaucoup de leur temps, justement, des fois, ils se fatiguent beaucoup. Pour répondre aux questions, ils ne demandent pas un sou pour ça, ils prennent pas un sou pour ça. Et même, tu les vois, au masjid, dans les pays musulmans, ils donnent des dourous, dans les mosquées, ils font tout ça. Yani, ils ne demandent pas d'argent pour ça. Les dourous qui sont donnés à le masjid al-Nabawi, yani, gratuitement. Tu vois, par contre, les hizbiyin, yani, tout leur cours, c'est payant. Et toutes leurs affaires qu'ils organisent, c'est toujours payant. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils veulent, ils font de l'argent avec ça. Donc, Yani, ça, c'est juste un exemple pour nous faire comprendre et pour nous montrer en même temps la différence. Parce que le alim dans l'islam, il donne des jugements par rapport au mariage, par rapport au divorce, par rapport aux questions de commerce, par rapport aux questions des problèmes, des disputes, des désaccords, par rapport aux ibadat, par rapport aux mu'amalat. Yani, si tu compares ça avec qu'est-ce que les koufars ils demandent et ils chargent comme argent, yani, tu vois la différence. Quand quelqu'un il fait le travail des prophètes et quand quelqu'un il fait le travail pour sa poche. Après, le cheikh il dit, en ce qui concerne le fait que lorsque un juge il a jugé selon ce qu'il était apparent, mais qu'il sait mais qu'en réalité, dans ce qui est caché, la personne en faveur duquel il a jugé, il avait tort, eh bien, dans ce cas-là, la personne, elle n'a pas le droit de prendre ce que le juge lui a donné, même si le juge lui a donné raison. Et ça, c'est selon l'accord des ulama. Et le cheikh ici, cheikh Al-Fawzan, il dit, « Bi-ijma'i ahli al-ilm, la yahillu lahu dhalik. » Lianna al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a qal, « wa innama aqdi » بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. Donc il dit que c'est selon le consensus des hommes de science qu'il n'est pas permis pour la personne de prendre le droit que le juge la chose que le juge lui a décrété qui fait en réalité pas qui ne lui appartient pas réellement puisque ça appartient à la personne autre, qui contre qui il avait le conflit ou avec qui il avait le conflit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne juge que selon ce que j'ai entendu. Donc si j'ai décrété à quelqu'un le droit de son frère, alors qu'il ne le prenne pas, parce que sinon il prend uniquement une partie de feu ou un morceau du feu de l'enfer. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera à la suite au prochain cours. Bi'ilnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa iyyakum, inshallah. On voit comme ici, on voit la justice de l'islam, la grandeur de l'islam dans ces exemples-là et comment la charia d'Allah elle est parfaite, yani. Hein? Allahu Akbar.